Don Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 juin 2019. Voici les grands titres de cette édition. 4 cas de choléra sont déjà déclarés depuis ce dimanche sur 3 collines de la province Civitoke. L'Institut national de santé publique INSP l'a confirmé d'après les examens de laboratoire faits. Les fonctionnaires de la Sogestal Kirimiro viennent de passer plus de 8 mois sans percevoir leur salaire. La BCB a refusé de leur donner des crédits malgré l'injonction du ministre des Finances. Cette banque explique que la Sogestal Kirimiro est toujours débitrice. Et la population frontalière de la province Ngozi est appelée à arrêter le mouvement des caprins entre les deux provinces. C'est au moment où une maladie vient de se déclarer dans la province Ngozi, précisément en commune Tangara, frontalière de deux communes de Karuzi. Et en actualité internationale, c'est un revirement à 180 degrés des putschistes et soudanais après le massacre perpétré au cœur de la révolution à Khartoum. Ce mercredi, dans un discours étonnant à l'occasion de la fin du Ramadan, le chef de la junte Abdel Fattah al-Burhan a appelé à la reprise des négociations. Mais les chefs de la contestation annoncent la poursuite de leur révolution pacifique. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, voici le développement de ces titres et bien d'autres nouvelles. 4 cas de choléra sont déjà déclarés depuis ce dimanche sur 3 collines de la province de Civitoke. Le médecin chef de district sanitaire de Civitoke, Daya José Célestin, qui confirme l'existence de cette maladie au regard des conclusions données par le laboratoire de l'Institut national de santé publique INSP, précise que les collines concernées sont Munika 1, Marambo 1 et 2. La Croix-Rouge est en train d'aider dans l'assainissement des ménages, d'où sont venues les personnes déjà atteintes, et leur voisinage. Les administratifs à la base sont également appelés à sensibiliser la population aux mesures strictes d'hygiène dans ces localités qui manquent d'eau propre. Je venais de vous le dire également dans les titres, les fonctionnaires de la Sogestal Kirimiro viennent de passer plus de 8 mois sans percevoir leur salaire. En attendant, le ministre en charge du budget avait demandé par écrit aux responsables des banques pour que ces derniers leur accordent des crédits. Seule la BCB ne s'est pas exécutée. Le chargé de la communication à cette banque à Bujumbura explique que cet argent n'a pas été donné puisque la Sogestal Kirimiro a encore une dette envers la BCB et le directeur général de la Sogestal Kirimiro n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Nous appelons notre correspondant Arthur Kavabushi. Ces travailleurs de la Sogestal Kirimiro, qui viennent de totaliser 9 mois sans percevoir leur salaire, disent qu'ils sont dans de nombreuses difficultés. Selon ces fonctionnaires de la Sogestal Kirimiro, cette situation est incompréhensible du moment que la récolte a été bonne, mais que seuls les cultivateurs ont reçu leur paiement et pas eux qui ont travaillé en collectant cette récolte. Actuellement, leurs enfants ont été chassés de l'école, disent-ils. Certains des travailleurs de cette société se demandent si c'est le manque de volonté de la part de la BCB alors qu'ils ont l'aval de l'État que si le 31 mai 2019 cette dette n'est pas remboursée, c'est l'État qui allait le faire tel que ça se trouve dans une correspondance de l'État adressée aux banques en charge de donner cet argent du secteur café. Cette situation n'est pas sans conséquences comme ils le disent. Tenez, ils ont déjà perdu deux fonctionnaires qui sont tombés malades et qui ont manqué de moyens de se faire soigner. Actuellement, il y en a d'autres qui sont gravement malades. Ces fonctionnaires souhaitent que le gouvernement prenne la question en main afin qu'ils sachent à quoi est dû ce blocage pour trouver une solution définitive telle que stipulée dans une lettre du ministre ayant l'obligé les finances et la coopération au développement dans ses attributions, docteur Domitien Dihokubgayo, une lettre du 16 octobre 2018. Révélien Dibarake est le responsable du département de communication, organisation et contrôle de qualité au sein de la BCB. Il indique que la Sogestal Kirimiro a une dette énorme envers cette banque, ce qui est à l'origine de ce blocage, mais qu'ils ont un contact permanent avec le responsable des comptes de la Sogestal. Ce chargé de communication conclut en disant que ces fonctionnaires devraient plutôt demander à leur chef ce qu'il est en train de faire pour débloquer leur situation. Nous avons cherché le directeur général de la Sogestal Kirimiro, Samuel Nibitanga, mais il nous a dit qu'il n'a pas de temps. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur. Et la population frontalière de la province Ngozi est appelée à arrêter le mouvement des caprins entre les deux provinces. C'est au moment où la population de cette localité avait l'habitude d'échanger ses bêtes dans les marchés. Le gouverneur explique que c'est dans le but de protéger ce bétail contre une maladie qui vient de se déclarer dans la province Ngozi, précisément en commune Tangara frontalière de deux communes de Karuzi. Blaise Pascal Kararumi. La population concernée par cette interdiction de trafic des caprins entre les provinces d'Ngozi et Karuzi sont celles qui vivent sur les frontières de ces deux provinces. C'est en particulier la population des communes de Bugenyuzi et Gitaramuka qui ont une grande partie de frontière avec la commune de Tangara de la province Ngozi. Le gouverneur indique que c'est dans l'objectif de pouvoir protéger le bétail contre la maladie de peste des ruminants qui est récemment remarquée dans cette commune de Tangara de la province Ngozi. Madame Kalini Mbarushimana l'a dit ce mercredi lorsqu'elle a lancé un projet de développement des ménages en développement basé sur une agriculture améliorée à la colline Rutegama de la commune Gihogazi, une commune aussi frontalière de Ruhororo de la province Ngozi. Du moment que ces habitats frontaliers signalent un habituel échange de ces caprins, tant lors des ventes que lors des recherches de pâturage, le gouverneur indique que la population de Karuzi devrait déjà commencer à s'habituer à l'élevage dans les étables pour se conformer à la loi qui sera d'ici peu mise en application. Depuis Karuzi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Et certains représentants du syndicat STEB dans les communes de la province Mwaro disent que certains défis se remarquent dans leur métier. Certains de ces défis tiennent aux classes pléthoriques et à l'insuffisance de matériel. Les responsables de l'éducation et de l'administration dans cette province ne nient pas que ces défis existent dans certaines écoles. Ils signalent que la province Mwaro n'est pas la moins équipée en la matière. Laurent Dikourio. D'après certains représentants du syndicat STEB dans les communes de la province Mwaro, certaines classes ont des effectifs élevés d'écoliers. Au moment où les normes prévoient entre 45 et 50 écoliers par classe, il arrive des cas où certaines classes aient plus de 100 écoliers. Un autre défi soulevé par ces représentants du syndicat STEB, c'est l'insuffisance dans certaines écoles de bancs pupitres et même le matériel didactique comme les livres et les cartes d'illustration. Aussi, l'opération de redéploiement des enseignants qui a eu lieu l'année scolaire dernière a fait qu'il reste un enseignant par classe de la première à la sixième année. Selon ses représentants communaux du syndicat STEB, s'il arrive que deux ou trois enseignantes aillent en congé de maternité, c'est un problème pour gérer ces écoliers du premier au troisième cycle de l'enseignement fondamental. Le directeur provincial de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle en province Mwaro et le conseiller socio-culturel du gouverneur de cette province ne nient pas que de tels défis peuvent se présenter ici ou là. D'après ces autorités, la province Mwaro n'est pas la moins équipée en cette matière. Ils conseillent par contre aux enseignants de bien préparer leurs leçons avant d'entrer en classe. Ce mercredi, c'est une réunion des intervenants en matière de éducation tenue par le syndicat STEB au chef-lieu de cette province de Mwaro. Laurent Dikourio, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La suite de ce journal, les députés de la Chambre basse du Parlement appellent les autorités burundaises à prendre des mesures pour freiner la démographie qui prend des allures inquiétantes dans le pays aujourd'hui. Ils l'ont dit ce jeudi au cours des questions orales à l'endroit de trois ministres du gouvernement sur le projet de loi portant planification familiale au Burundi. Ceux de l'intérieur, la santé et celui des droits de la personne humaine sont les invités de ce jeudi à l'hémicycle de Kigobi où la rédaction a dépêché Evariste Nzikobanyanga. Évariste Nzikobanyanga, tu es à l'hémicycle de Kigobe. Et que dit la commission parlementaire à propos de la situation démographique au Burundi? Oui, justement, au Benyonguru, dans cette plénière qui se déroule à l'hémicycle de Kigobe, la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales déplore l'état des lieux, déplore la situation où elle indique le président de cette commission, le député Adolphe Banikwa, a indiqué que la démographie au Burundi a une allure inquiétante, où il a précisé que là, aujourd'hui, l'extrême pauvreté est conséquence de la population burundaise qui ne cesse de s'accroître le jour. Est-ce que les ministres qui sont invités auraient donné des réponses ou des éclaircissements à propos de cette question? C'est le ministre de l'Intérieur qui a déjà répondu à certaines questions posées par cette commission. Pascal Ebanandaguié a répondu à la question de savoir où son ministère en est avec la politique de planification familiale. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que des enseignements, des mobilisations sont en cours au niveau national, mais que son ministère se heurte sur une population non active. Et ici, il a indiqué que 60% de la population burundaise sont des consommateurs et non producteurs. Il a indiqué que ce pourcentage est constitué par une génération estudiantine, donc une population de 60% qui mange mais qui ne produit rien. Ici, le ministre de l'Intérieur a indiqué que la politique n'était pas mauvaise, mais que son applicabilité laisse toujours à désirer. À part le ministre de l'Intérieur qui a été invité, et qui sont d'autres qui sont à l'hémicycle devant les députés? Oui, sont devant les députés, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité publique et celui de la Santé publique et de lutte contre le sida. Je te dirais, Aubin, que le ministre de l'Intérieur a profité de l'occasion pour classer les provinces qu'il vient devant en appliquant les méthodes contraceptives. Ici, il a souligné que la mairie de Bujumbura et la province de Bururi sont des provinces modèles où la population met en application les mesures contraceptives. Ici, Pascal Ebanandaguié a indiqué que les provinces de Muyinga, Changuzo, Bubanza, Ruyigi et Chibitoke sont derrière en application de ces méthodes contraceptives, où il a indiqué aux députés que la sensibilisation continue et qu'il compte mobiliser les administratifs afin qu'ils fassent des descentes pour sensibiliser la population respective. Évariste Nzikobanyanga que vient de joindre tout à l'heure Aubin Niyonguru. Également dans l'actualité, il a été lancé officiellement ce jeudi une technique d'opération des malades souffrant de problèmes cardiaques au Burundi. Docteur Marc Nimburanira, directeur général de l'hôpital militaire, fait savoir que ce service est la première au Burundi et le lancement a eu lieu à l'hôpital militaire de Kamenge. 10 patients ont été opérés avec succès jusque ce jeudi. Suivez les précisions du docteur Marc Nimburanira. L'hôpital militaire de Kamenge, en collaboration avec la Société burundaise de cardiologie, ont organisé une activité de lancement de l'implantation de pacemaker au Burundi. Nous sommes partis d'un constat, c'est que dans nos consultations, dans nos vies pratiques, nous rencontrons pas mal de patients qui ont des blocs auriculo-ventriculaires de troisième degré et qui nécessitent un traitement qui n'était pas disponible ici au Burundi. Ces patients doivent avoir impérativement des pacemakers. Ce sont des appareils qui remplacent le circuit électrique du cœur parce que les informations qui viennent des oreillettes n'arrivent pas au niveau des ventricules. Les oreillettes travaillent de leur côté et les ventricules de leur côté. Donc il fallait que cette activité ait lieu. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier le professeur Xavier Juven de l'Université de Paris qui vient ici au Burundi nous aider à commencer cette activité. Et c'est depuis ce lundi. Ils ont commencé l'implantation avec notre équipe et aujourd'hui, il y a eu implantation de 10 pacemakers et ça a été un succès chez les 10 patients. Aucun incident n'a été signalé. Pour les premiers patients, le professeur a aidé à enseigner nos collègues et puis presque la seconde moitié, ce sont les membres de nos cardiologues qui ont fait leur travail, qui ont fait l'implantation du pacemaker. Docteur Marc Nimburanira, c'est le directeur général de l'hôpital militaire de Kamenge et ses propos ont été recueillis par Marie-Claire Kazeneza. La protection de l'environnement incombe à toutes les couches de la population, selon la représentante de l'organisation Tabitha Action, qui dans ses missions a le volet de la protection de l'environnement. Selon Odando Mwami, tous les objets en plastique devraient être ramassés comme son organisation est en train de le faire dans différents endroits, afin que le ministère de l'Environnement s'occupe de la suite pour une bonne préservation de l'environnement. On l'écoute. Il y a des sachets en plastique, il y a des bouteilles en plastique, Voilà, c'est tous les ordures en plastique qui sont dedans. Nous sommes allés voir les autorités du ministère de l'Environnement. On est allé signaler ça pour dire nous avons fait l'initiative de ramasser tous les ordures en plastique qui se trouvaient dans les champs. On a dit, vous allez les mettre ensemble, nous viendrons voir de quoi il s'agit et on va chercher l'endroit où... Donc, ils vont faire le travail, quoi. Ce sont des objets ramassés que vous présentez. Est-ce que le travail est... Ça s'achève ou ça va continuer? Ça va continuer parce qu'on est allé justement dire à ces autorités de l'environnement que nous sommes prêts, parce que c'est notre patrie, on doit faire quelque chose. Tout le monde est concerné de la protection de l'environnement, que ce soit les lieux, les moyens. Tout le monde est concerné de ça, ça nous concerne tous. Et en actualité africaine, après le massacre perpétré au cœur de la révolution à Khartoum, les putschistes soudanais reculent. Ce mercredi 5 juin, dans un discours étonnant à l'occasion de la fin du Ramadan, le chef de la junte Abdel Fattah al-Burhan a appelé à la reprise des négociations, alors que dans la rue, la répression continue. De leur côté, les chefs de la contestation regroupés au sein de l'Alliance des forces de la liberté et du changement rejettent l'offre de dialogue, considérant les militaires comme un obstacle à l'état civil et à la justice, et les accusant de simplement chercher à rester au pouvoir. L'Alliance a promis de ne pas abandonner et de continuer sa révolution pacifique. Rappelons que les violences de lundi ont fait au moins 100 morts, une quarantaine de corps ayant été retrouvés dans le Nil, selon le comité des médecins. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et celle de la technique qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, à mon après-midi.